jour numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. ماذا أخذنا في آخر الدرس؟ Le dernier cours. تفضل أخي. عقيدة السلف في القرآن. القرآن هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ما الدليل؟ C'est quoi la preuve أن القرآن سمن كلام الله عز وجل؟ تفضل. ألا له الخلق والأمر؟ أين وجه الاستدلال؟ الأمر صفة من الله. زيد؟ صفة من الله ليس بدون. أين الكلام؟ أين القرآن؟ أنه لغير مخلوق. الفرق بين الخلق والأمر أن الحرف والعطف الواو يفرق بين الخلق والأمر. أين القرآن أنه غير مخلوق؟ القرآن من أمر الله. أحسنت. Il faut commencer par هذا. أن القرآن c'est من أمر الله. أما vous différenciez entre le خلق et l'amr, vous parlez pas de القرآن. On ne sait pas de quoi vous parlez الآن. القرآن من أمر الله عز وجل. Et Allah سبحانه وتعالى il a différencié entre l'amr et le خلق. فقال عز وجل ماذا قال؟ ألا له الخلق والأمر. فالأمر c'est من الله. C'est parole. Et parmi ces paroles, le Coran. كذلك الخلق c'est من الله. Allah il a tout créé. Ça te montre أن الأمر ça fait pas partie des créatures. Quand Allah il ordonne une chose, quand il parle, c'est un attribut parmi ses attributs. La parole, il parle عز وجل. Et c'est pas créé. أين الدليل أو ما هو الدليل أن أن القرآن سمن كلام الله. Vous avez cité un tome de dalil أنه il n'est pas مخلوق. Et le سؤال أن هذا القرآن سمن كلام الله. أين الدليل؟ تفضل. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحسنت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Et هذا المشرك ce qu'il va entendre c'est le Coran al-Karim. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé ce Coran qu'on récite, il l'a appelé كلام الله عز وجل. C'est son كلام. هذا طيب. Donc on a un دليل أن القرآن c'est من كلام الله. On a un autre دليل أنه غير مخلوق. Et on avait lu d'autres أدلة أن هذا القرآن c'est min kalam Allah et il n'est pas makhlouq. Qawluhu minhu bada, ma ma'na qawl as-salaf, quand ils disent al-Qur'an, kalam Allah, ghayru makhlouq, hada taqaddam, thumma yaqulun minhu bada, wa ilayhi ya'ud, ma ma'na minhu bada. Ah, tawadda. Kalam Allah laysa qadim. La, on n'a pas fait cette mas'ala. Minhu bada. Tu comprends quoi min hadhihi al-kalima minhu bada'a? C'est le premier à avoir dit le Coran. Fal kalam c'est min Allah, ay al-mutakallim ibtida'an man? Allah azza wa jalla. Fataqul anna al-kalam awwal man takallama bih c'est Allah azza wa jalla. Kalamuhu minhu bada'. Thumma nahnu ce qu'on récite, ce qu'on recopie, ce qui est imprimé l'an, c'est kalam Allah azza wa jalla. أما المتكلم به ابتداء الله جل وعلا وإليه يعود ما معنى هذه اللفظة وإليه يعود إذن ستي دو معاني عندك الأولى الأولى أن الله يعني في ليلة واحدة سيأخذ يعني يرفع نعم أحسنت يرفع هذا القرآن من الأرض فلا يبقى في المصاحف ولا في الصدور الله سبحانه وتعالى يرفع أي إلى لابس قرآن عنده يغستغى بلو سو قرآن في الأرض ni dans les poitrines des personnes, ni dans les livres. Al-ma'na thaniya, il est ya'oud, ay wasfan, lahu azza wa jal. Ay anna hadha al-Qur'an c'est min kalam illahi, le kalam c'est min sifati illahi azza wa jal. Un kalam hadha il est muhim. Lianna aqidat al-salaf c'est hadha. Si t'as compris hadha fi al-bidaya, tout ce qui viendra après, بإذن الله جل وعلا من التفصيل والردود على أهل الأهواء سورتو الأشاعرة فساتو بروفيترا هذا لأن توغا دي باز سوليد لأن فزالي فوغ كأهل البدع تفرقوا واختلفوا في هذا certains vont dire que لا يتكلم certains vont dire كلام نفسي certains vont dire كلام قديم et beaucoup de شبه أنت si t'as compris le معتقد. Tout ce qui viendra après comme réponse, ça sera simple. Amma si cette muqaddima, cette base, ce fondement, il est mal saisi au départ, farubbama tat'ab ba'd. Ces choses, vous devez les comprendre et les réviser, yani bi quwwa bi jidd. Hatta c'est pas du à peu près. Ta al mu'taqad et al dalil. هذا اسم مهم المنزل قال فهو الكريم المنزل ما معنى هذه الكلمة pourquoi شيخ الإسلام قال فهو الكريم المنزل عندك نعم أن القرآن منزل من عند الله عز وجل celui qui l'a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم c'est الله عز وجل par l'intermédiaire de Jibril عليه السلام ثم après avoir démontré après avoir cité l'aqida des salaf sur ce point ay anna al-quran c'est min kalam illah azza wa jal pourquoi on dit anna al-quran min kalam illah pourquoi on rajoute min indaman pourquoi ahyanan al-ulama ils disent min kalam illah azza wa jal c'est important hada hein al-quran min sifati laysa la on dit al-Qur'an min kalam illah c'est son kalam mais c'est pas tout son kalam ahsant annahu c'est son kalam mais c'est pas tout son kalam at-Tawrah c'est min kalam illah al-Injil c'est min kalam illah bien sûr c'est quelque part muharrafa al-Qur'an c'est une partie c'est pour ça on dit min kalam illah par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il parlera à qui il veut yawm al-qiyama ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyama هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم chacun de vous Allah il lui parlera يوم القيامة et ce kalam c'est pas le Coran Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé à Adam il a parlé à Moussa il parle quand il veut donc le Coran c'est une partie de kalam Allah azza wa jalla on avait cité le verset dans le cours précédent لو كان ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد كلام الله عز وجل c'est pas que le Coran لكن le Coran c'est une partie c'est pour ça احيانا je dis le Coran c'est min kalam illah حتى celui qui entend il comprend pas que la parole d'Allah c'est que le Coran فقط لا Allah il parle à qui veut quand il veut عز وجل لكن ce Coran qu'il a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم ça fait partie de ses paroles la Torah qu'il a révélée à Moussa ça fait partie de ses paroles et Torah c'est pas le Coran elle a été révélée des siècles avant l'Injil qu'il a révélé à Isa alayhi salam c'est min kalam azza wa jal fa kalam Allah il est kathir et parmi ce kalam al-Quran lihada ahyanan on dit al-Quran min kalam Allah et si on dit al-Quran kalam Allah c'est mafhoum al-ulama souvent vous allez entendre dire al-Quran kalam Allah azza wa jal lakin dès qu'on dit min vous comprendrez un pourquoi après avoir cité هذه العقيدة المهمة عقيدة السلف on a dit في القرآن Cheikh Mohammed حفظه الله dans le chapitre suivant il cite des choubah de أهل البدع ils se sont appuyés sur des versets qu'ils ont mal compris imma à cause de leur ignorance imma à cause de leur passion et ils ont pensé que ces versets ils démontraient dans le Coran il est makhlouq et il va citer حفظه الله deux shubha fi hada ou deux versets et il va répondre et fil haqiqa ce point talabatul ilm il le détaille dans les autres livres dans d'autres livres plus vastes qu'à Sharh al-Tahawiyya, il détaille ce point bi-idnillahi azza wa jalla. Lakin, là, on lit, il a cité deux versets, c'est simple, sans entrer dans les détails. Qala min adillati ahli al-bid'a al-qa'ilina bi khalq al-Qur'an. Awalan, tu comprends anta et tu retires min hada anna al-mubtadi'a, quel que soit le groupe, annahum, ils ont des preuves min al-kitab wa min al-sunnah. La tadhun annahum, ils vont parler sans preuve. Lakin, cette preuve, elle n'est pas à sa place. C'est pour ça que Cheikh Mohammed Yaqoul a listé dlal al-awwal. Amma le dalil qu'ils ont cité, il n'y a aucun doute de son authenticité. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilu. Il n'y a aucun doute, c'est le Coran, Kalamullah Azza wa Jal. Lakin al-istidlal, et la façon de comprendre, c'est pas à la tariqati salaf. Donc, la tadhan, anna tous ceux qui citent un hadith ou un Coran, ils sont forcément à la haqq. Et hada, tu le vois, inda ba'd al-juhal, ils comprennent pas, rodod ahl al-ilm, sur ba'd al-munharifi, et ils disent, mais je l'entends, ils parlent qu'avec le Coran, qu'avec le sunnah. Il dit rien de mal. Il y a un mal énorme. C'est du talbis, c'est du jahl. Et ça devient des choubahs. Choubahs. Avec des ambiguïtés pour les gens. Et ils n'arrivent plus à comprendre. Pourquoi vous dites qu'un tel c'est un égaré et il cite un verset? Oh, pourquoi vous dites que telle chose c'est une bid'a alors qu'il a cité un verset? Il a dit Allah, il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Lakin labud min istidlalin sahih. Ça ne suffit pas. Un verset ou un hadith. Si c'est mal placé, ça suffit si c'est bien placé. Lakin, citer un hadith qui n'est pas à sa place, ou un verset du Coran qui n'est pas à sa place, il n'y a aucune faïda. لأن هذا العلم, surtout dans les arguments, pour argumenter, il faut deux choses. Il faut un dalil sahih. Imma une ayah du Coran Karim, imma un hadith sahih ou hasan, muhim il est thabit. Ça c'est awwalan, il faut un argument, une preuve de la révélation. Et on a expliqué dans plusieurs kalimat, dans plusieurs durus, anna al-hujja, la preuve c'est qala Allah, qala Rasul ou l'ijma'. Kathalik un qiyas sahih. C'est ça les preuves. Amma la parole d'une personne, ou ce qu'ils font les gens, ou la majorité, ou tout ça, c'est pas des preuves. Enfin, awwalan, il faut une preuve. Quran, un verset, sunnah, un hadith, ijma', l'unanimité de Ahl al-Ilm, ou un qiyas sahih qui est fondé sur al-haq, هذا العلماء ils acceptent. Thaniyan, istidlalun. Il faut que ce verset, cette preuve, elle soit à sa place. Amma wahid matalan, on lui demande quelque chose, une mas'ala, un point sur as-salat par exemple. Et il nous cite des adillah fi zakat. Est-ce qu'on va dire Lakin, il a cité des preuves? Là, il a cité des preuves, elles ne sont pas à leur place. Donc, ce n'est pas tous ceux qui parlent bil Qur'an ou bil Sunnah, annahum y maîtrisent. Ça te montre deux choses, hada. Anna al Qur'an ou Sunnah, tu es obligé de revenir à la compréhension des salaf. Je ne comprends pas comme tu veux. Vous allez voir les versets qu'ils ont cités, les salaf, ils n'ont pas compris comme ces gens-là. C'est pour ça que haoula, ils se sont égarés. Et ils ont délaissé la voie des salaf. Premièrement, Al-Qur'an ou Sunnah, donc tu es obligé de le comprendre avec la compréhension des salaf, à immatul islam. Thaniyan, tu es obligé de revenir à ahl al-ilm de ton époque. Les anna, ba'd an-nas, ils prétendent suivre Al-Qur'an ou Sunnah et salaf, et tout ça, c'est pas à sa place. Et ils s'égarent. Tu es obligé de revenir à ahl al-ilm. Et c'est eux qui vont te montrer est-ce que cette preuve est authentique awwalan et est-ce que c'est la compréhension des salaf thaniyan. Tout ça avec une bonne intention et du ilm, et inshallah al-mar'u il sera ala al-huda bi'idnillahi azza wa jalla. Donc ça c'est important, ils se sont égarés l'an fil mu'taqad, et dire que le Qur'an il est makhlouq, c'est grave, c'est du kufr. Tout ça ils se sont basés sur certains versets. On lit le premier istidlal. Qala al-istidlal al-awwal. Istadallu, donc l'istidlal, c'est prendre comme argument. Istadallu, ils ont pris comme argument pour leur mu'taqad fasid. Bi qawlihi ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. قالوا وجعل بمعنى خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. Deuxième point, deuxième faïda qu'on peut citer avant de rentrer dans les détails, l'importance de la langue arabe. Une kalima, le fi'l, ja'ala, inna ja'alnahu, en langue arabe, il y a plusieurs manières de le comprendre. Ça peut vouloir dire ja'ala ay khalaqa, مثلاً Allah عز وجل قال وجعل الظلمات والنور. أي الله il a créé الظلمات والنور. Qu'est-ce qu'ils ont compris هؤلاء? Ils ont dit فقوله إن جعلناه قرآنا. C'est la même chose que وجعل الظلمات. Donc le Coran il est créé. Donc هذا ça te montre l'importance de la langue arabe. كذلك ça te montre la gravité d'apprendre la langue arabe عند أهل البدع. لأن ce مبتدع الآن, si c'est un جهمي, un معتزلي, un أشعري, et ha'oula, ils ont de la quwwa dans la langue arabe. Et Az-Zamakhshari, sahibu al-tafsir, il est qawi jiddan jiddan fi hada al-bab. Il a un tafsir et il est qawi par rapport à la langue arabe. Lakin sa mu'tazili. Si tu apprends la langue arabe inda ha'oula, arrivé à ce verset, un jour il peut te le citer comme exemple, wa ja'ala adh-dhulumat. Ja'ala fi'l fa'il, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. الضمير مستتير هو الظلمات مفعول الواو حرف عطف النور معطوف عليه اي va te faire le i'rab et il va t'expliquer وجعل بمعنى خلق et il peut te citer en comparaison كقوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا et il te fait le lien. Le premier جعل s'est créé, le deuxième s'est créé, et il te fait croire que le Coran s'est créé. Cet élève, s'il est vaïf, il ne connaît pas Aqidat al-Sunnah, il est vaïf en langue arabe, et son but c'était de profiter de ce professeur, il va prendre la langue arabe et l'Aqid al-Fasida. Comme les gens sont égarés min hadha al-bab. Donc la langue arabe, prenez-la inda ahli sunnah. Prenez-la. Vaut mieux avoir un petit niveau en langue arabe et avoir une Aqida solide que vouloir soi-disant avancer et perdre sa Aqida ou avoir des shubuhat à cause de la langue arabe. On revient à الاستدلال الأول. استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وجعل بمعنى خلق قوله وجعل الظلمات والنور. Vous avez compris الشبهة. جعل en arabe ça peut vouloir dire خلق كقول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور. C'est Allah qui a créé الظلمات, l'obscurité et النور, la lumière. Donc le premier verset min surat al-Zukhruf إنا جعلناه قرآنا عربيا, ils ont compris que Allah il a créé le Coran. قال والرد على هذا الاستدلال. L'importance de revenir à أهل العلم. Ils vont te démontrer أن هذا c'est باطل. قال أن جعل أي ce verbe في اللغة العربية إذا عدي إلى فعل واحد الصواب إلى مفعول واحد. Ça c'est une erreur d'impression. الله أعلم. مفعول واحد أو وهم. لأن c'est clair que الفعل إذا عدي إلى مفعول واحد أو مفعولين. On peut pas dire عدي إلى فعل هنا. Donc corriger إلى فعل واحد, vous écrivez الصواب مفعول. قال يكون بمعنى خلق كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الفعل جعل إذا عدي. Ça peut poser quelques problèmes à certains frères qui n'ont pas étudié النحو, لكن on essaye de simplifier. أن ce فعل en langue arabe عدي أي إلى مفعول واحد. Et ça peut être deux مفعول. مثلا قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. Il y a deux مفعول. Les deux sont mansoub. Il va avoir une ma'na. قول عز وجل وجعل الظلمات. Il est مفعول. واحد. Il y en a qu'un. والنور. Il est معطوف على الظلمات. Donc le premier cas, il y a deux مفعول. Le deuxième cas, il y a un مفعول. Quand il y a un مفعول, c'est بمعنى خلق. Donc il n'y a aucun problème. وجعل الظلمات والنور أي خلق. C'est Allah qui a créé l'obscurité et la lumière. Quand il y a deux مفعول, c'est pas بمعنى خلق. En langue arabe. فلهذا قال وإذا تعدى جعل إلى مفعولين فيأتي بمعنى سير أو سمى أو يعتقد. Ça veut plus dire créer. C'est d'autres ma'ani, il va citer des exemples. Ka qawlihi ta'ala wa la tanqudhu al-aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila wa qawluhu wa la taj'alu Allah 'urdatan li-aymanikum ay la tusayyiru Allah wa la taj'alu Allah 'urdatan li-aymanikum ay attention de ne pas jurer beaucoup au nom d'Allah Azza wa Jalla. Surtout pour ceux qui mentent. Et vous mettez Allah subhanahu wa ta'ala, vous citez le nom d'Allah azza wa jal, et c'est un manque de respect. Celui qui jure beaucoup, fillah azza wa jal, pour des futilités, ou iyadam billah en mentant, fahada, il a un problème dans son iman. Il doit respecter le nom d'Allah. Tu jures qu'en cas de besoin, et si c'est important, et en étant véridique. Est-ce que, huna, wala taj'alu, ça veut dire al-khalq? C'est pas possible. La preuve, c'est que le fi'l, huna, al-fa'il, c'est pas Allah, c'est les créatures. Wala taj'alou. Est-ce que Allah, il va dire à ses créatures, ne crée pas? Le créateur, c'est que Allah, azza wa jalla. Ça te montre, hada, que ja'ala, c'est pas forcément créé. Et c'est ça, nahnu, le but. Si t'as pas compris les détails, sahlun, ça va venir, inshallah. Wa kada qawlihi, wa ja'alou al-mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inatha. Wa ja'alou. Est-ce que ça veut dire qu'on a créé? C'est pas possible. L'être humain, il ne peut pas créer. Les anna, certains êtres humains, min al-kafara, ils disent que al-mala'ika, c'est des filles. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa ja'alu al-mala'ika alladhinahum ibadur rahman inatha. Alors que c'est des serviteurs d'Allah et eux, ils disent que c'est des filles. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont créé des filles? Abadan. هنا المعنى قال أي سموهم أو يعتقدوهم. Ils les ont appelés, nommés filles, ou ils ont la conviction que c'est des filles. Ça te montre que ja'ala ici, ça veut dire nommer quelque chose ou croire. Ça ne veut pas dire créer. Donc pourquoi, ha'oula, abdullal, ils ont pris une ma'na en langue arabe, un sens, alors qu'il y a un autre sens, et le mauvais sens, ils l'ont appliqué sur ce verset, ils se sont égarés. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyan, ils ont dit, ay Allah, il l'a créé. Alors que, fil haqiqa, kathir minhum, qui sont à la ilm en langue arabe, ils savent très bien qu'il y a un autre sens. Lakin, vu que cet autre sens, il contredit leur voix, leur passion, ils ont pris la chose qui les arrange. Et ça, c'est min alamati ahli al-ahwa. Annahum, ils prennent ce qui les arrange et ils délaissent ce qui les dérange. Al-haqiqa, ce délil, normalement, tu dois le comprendre. Ce délil, tu dois le comprendre avec la compréhension du salaf. Et tu dois te soumettre. Tu dois le comprendre comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis, comme salaf, ils l'ont compris. Pas comme toi, tu veux. Enfin, ils auraient mis leur passion de côté, ils seraient revenus aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais un d'eux, il a compris le verset, anna al-Qur'an, il est makhlouq, abadan. Qala, on finit, al-an, les exemples. Wa kada qawlihi wa ja'alu al-mala'ikata alladhinahum ibadur rahmani inatha, ay sammawhum wa i'taqaduhum. وكذلك قوله الذين جعلوا القرآن عظيم فهنا جعلوا تلفيت القرآن عظيم الآن سبا بمعنى خلق أبدا يدوم مفعول القرآن عظيم قال وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والآيات في ذلك كثيرة معلومة ولا تجعل هنا ça veut pas dire la takhlaq أبدا لأن le sens ça serait pas il serait pas correct l'être humain il peut pas créer قال ومنها قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي صيرناه انظر شرح الطحاوية ça veut pas dire que Allah il a créé le Coran en langue arabe أبدا لا Allah il a parlé. C'est sa parole qu'il a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. Et cette parole, elle est en langue arabe. C'est ça le sens. La conclusion, ou le résumé de tout ça, anna ja'alna, il y a deux sens. Ça peut être créé, s'il y a un mef'oul. Al-mef'oul, c'est l'action du fi'l. Elle va être sur une chose. Mathalan, dharaba Muhammadun Zaydan. Qui c'est qu'a frappé? C'est Mohammed. Il a frappé qui? Zayd. Celui qui a reçu les coups, c'est le maf'oul. Al-fa'il, c'est celui qui donne les coups. Vous avez compris? C'est ça, fa'il et maf'oul. Enfin, le maf'oul de Ja'ala, s'il y en a un, c'est bima'na khalaqa. S'il y en a deux, c'est bima'na imma sayyara, imma samma, imma a'taqada al-muhim, c'est pas bima'na khalaqa. Donc, هذا الاستدلال il est باطل. Deuxième shubha. قال الاستدلال الثاني استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء قالوا والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا تأمل أهل البدع والانحراف كم يشخش يغشخش الأدلة كي أبوي لغ بدع الحقيقة يشخش با ان دليل pour l'appliquer أو pour se réformer أو pour se corriger là. Ils vont chercher un délit, une chose, ça leur correspond, ils essayent de propager leur barbe. Allahu khaliqu kulli shay. Hada, il n'y a aucun doute. On a un verset du Coran, et tous les musulmans, ils reconnaissent hada. An Allah, il a tout créé. C'est le créateur, Azza wa Jal. Faqalu, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce verset? Allah, il a tout créé. Qalu wal Quran shay. Le Coran, c'est une chose. Allah, il a créé toute chose. Donc le Coran, il est créé. قال الرد على ذلك يبقى سيتي لا بارول دو ابن ابي العز من شرح الطحاويه قال ابن ابي العز رحمه الله وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن en langue arabe le mot kul tu peux traduire par tout مثلا الله il a créé toute chose c'est ça kul tout en langue arabe tout ça veut pas dire que ça englobe forcément chaque chose. Il va citer des exemples min al-Qur'an. Enfin, ça dépend du contexte. Ça dépend des qara'in. S'il y a des choses qui montrent que telle chose, elle sort de cette globalité. مثلاً قال ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. Ce verset 1. قال ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. Ce verset أن الله سبحانه وتعالى démontre أن ce rih, un vent, il a tout détruit. Fihi lafd kul. Fait l'haqiqa, si tu médites, est-ce que le vent, il a tout détruit? Est-ce qu'il a détruit les cieux, la terre, tous les djinns, tous les êtres humains, toutes les maisons? Il a tout détruit sur son passage. Ou des choses qui pouvaient être détruites. Amma mathalan, al-malaika, c'est des créatures d'Allah Azza wa Jal, et elles n'ont pas été détruites par ce rih. Ils n'ont pas été détruits par ce rih. Mais bon, donc tout, ça ne veut pas dire forcément tout, et il ne reste plus rien. Là, qala, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادِ نَعَمْ تُدَمِّرْ كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلْ التَّدْمِيرْ بِالْرِيحِ عَادَةً وَمَا يَسْتَحِقْ التَّدْمِيرْ. Ce rih, il a tout détruit, et les choses, عَادَةً, qui acceptent d'être détruites. Mais il y a des choses là, comme les cieux, comme la terre, comme tous les êtres humains, comme les anges, on peut citer plein d'exemples. Anahum, ils n'ont pas été touchés. Hada, c'est mafhoum. قال وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بلقيس أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أي ملكة سبا. Est-ce que ça veut dire que elle possédait tout? Les cieux, la terre, tout, abadan. Abadan, ça c'est mulkullah azza wa jal. Elle avait un mulk, lakin il était restreint. Lakin, dans le verset, Allah azza wa jal, قال وأوتيت من كل شيء. قال المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك. غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. أي, elle avait tout ce qu'elle avait besoin. Elle n'avait pas besoin d'autre chose. Est-ce que dès qu'on dit, même nahnu, des fois tu le dis, j'ai tout ce qu'il me faut, alhamdulillah. Tu le dis, hada, des fois. Même en langue française. Est-ce que ça veut dire, t'as tout, tu possèdes tout? Là, t'as tout ce qu'il te faut. Ah, mais il y a beaucoup de choses que t'as pas. Donc, kalimat kul, ça dépend du contexte, ça dépend des qara'in. Amma, ahlul bid'a, ils ont compris, Allah khaliqu kulli shay, ça englobe même les sifat. C'est pour ça que, ils ont dit, le Coran, il est makhlouq. Ah, il s'englobe les sifat. Si il y en a pour nous, le Coran, c'est kalamullah. Min kalamillah, kalamullah, c'est min sifatih. Qala, wa lihada nadair kathira. Wal murad min qawlihi ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Ay, kullu shay'in makhluq. C'est ça le معنى. Allah, il a tout créé. Ay, il est créature. Il va dire tout. Est-ce que ce sifat d'Allah, elles sont créées? Il ouvre un bab d'égarement. C'est pour ça que salaf, aucun d'eux, il a dit, le Coran, il est makhlouq. Pourtant, ils connaissaient tous ce verset. وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم افعال العباد حتما. Ça te montre, et ça c'est important, retenez ce point, ان les faits et gestes des êtres humains, ils sont créés. Ça c'est aqidat ahl sunna. Vous allez voir qu'il y a des égarés, ils disent que non. Et ça c'est muhim. Pourquoi? لان الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. Donc nos œuvres à nous, elles sont créées. قال ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. Et bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Donc Allah, il n'est pas créé et ses sifat, elles ne sont pas créées. وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ولا يتصور انفصال صفاته عنه. Et les sifat d'Allah عز وجل, c'est ses sifat, c'est ses attributs. Et Allah, c'est lui le créateur. Et ces sifat, elles ne sont pas créées. Hada, c'est wadih inda al-mu'min, inda al-sunni. Lakin, shubuhat ahl al-bida'at. Et ils se contredisent. Qala, anzur sharh tahawiyya. Tambihun. Wa haula, alladhina istadallu bi'umum qawlihi, Allahu khaliqu kulli shay, ala khalqi al-Qur'an, akhraju af'al al-ibad min hadha al-umum, wa hadha tanaqud minhum. Ma min munharif, ma min mubtadi', ma min dhal, ils se contrediront. C'est obligatoire. Ils ont dit, la parole d'Allah Azza wa Jalla, elle est créée, alors que c'est un attribut d'Allah, et ils ont pris comme argument ce verset, Allahu khaliqu kulli shay. Donc pour eux, tout est créé, sauf Allah. Si tu leur demandes les œuvres des êtres humains, ils te disent, elles ne sont pas créées. Et c'est toi-même qui crées tes œuvres. Al-Qadariya ou Al-Jabriya, on verra, bi-idhnillah Azza wa Jalla, c'est égaré. Et كثير من هؤلاء المعتزلة, ils sont sur cette aqida, Al-Jahmiya كذلك. Donc, pour eux, أفعال العباد, les faits et gestes des êtres humains, c'est pas Allah qui les a créés. Et ça, c'est grave. Nous, on leur répond, فلماذا Allah subhanahu wa ta'ala قال الله خالق كل شيء. Vous avez fait rentrer كلام الله dans cette globalité, alors que c'est facile, c'est batil. Et vous avez fait sortir les faits et gestes des êtres humains, alors que ça rentre dans le verset. هذا تناقض أهل البدع. فنحن leur répond, pourquoi vous faites sortir les actes, les faits et gestes des êtres humains, alors que Allah قال الله خالق كل شيء. نعم, Allah il t'a créé et il a créé ce que tu fais. Et il a une hikmah. Lakin vous allez voir, maintenant ils disent que Allah s'il a créé, ça veut dire qu'il nous a forcé, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, etc. Toutes ces shubuhat fil qadr, inshallah que vous verrez dans d'autres livres. هذا الكلام il est مهم. ربما c'est un peu compliqué pour certains, tout ce qui est lié à la langue arabe, ou certains détails. Lakin, inshallah khair, celui qui a compris va tayyib, celui qui n'a pas compris, ses frères, il l'aide. Al-Muraja'a, c'est important. Al-Aqida, dans tous les ulum, faites des révisions. N'assistez pas au cours, comme certains y font, annahu il assiste et il a présence, c'est tout. Il rentre chez lui, il ferme le livre, aucune révision, pas de hib, t'avanceras pas beaucoup. Il y en a, c'est drôle, c'est pas une muhadra, c'est pas une khutba. T'assistes et c'est des nasa'ih, ce que tu peux retenir là, c'est drôle, c'est aqida, c'est des fondements que tu auras besoin toute ta vie, bi-idhnillah. Et les autres livres, si vous faites des autres livres, inshallah, ça sera basé sur hada. Enfin, les premiers livres, il faut une dirasa qawiyya. Quand t'assistes, t'écoutes bien. Tu prends les notes que tu as besoin. Quand tu rentres chez toi, tu refais le cours, tu relis. Tu regardes ce que tu as compris. Ce que tu n'as pas compris, tu notes. Tu demandes au modérisme le prochain cours. Ou si tu fais la révision kadhalik avec un frère, si tu peux. Les révisions à deux, c'est ahsan. Ce que tu as compris, tu lui expliques. Ce qu'il n'a pas compris, il te demande. Vous regardez ensemble. Si vous n'avez pas compris une chose ou un ishkel, vous le notez. Vous demandez à votre modérisme. Ou à un cheikh, afdal, si vous pouvez. C'est comme ça que tu avanceras fil ilm. Mujarrad, assister et fermer le livre et le prochain cours, je rassiste. Tu vas faire tout le livre et il n'y aura pas une grosse faïda. Hada, c'est du ilm. Enfin, talabatul ilm, ils doivent avoir une manhaji, il y a une façon d'apprendre hada l'ilm. Et walillah, alhamdulillah, on s'est beaucoup conseillé fi hada et continuez comme ça, vous êtes à la khair. Lakin, c'est une nasiha pour tous ceux qui nous écoutent الذكرى تنفع المؤمنين. نكتفي بهذا.